Ceux qui auront la capacité de vivre la condition vibratoire qui est nécessité par l'organisation intelligente de vos plans de vie, en fonction de la détermination de vos fonds matériaux pour l'organisation matérielle de vos vies, seront ceux qui seront capables demain de comprendre les lois de la société anonyme et de dépasser les erreurs qui ont été commises dans le passé au niveau de la mémoire de l'humanité et au niveau de la mémoire individuelle. La société anonyme, pour nous, n'est qu'un aspect fondamental du devenir de l'homme. Il est évident qu'un jour, la société anonyme sera transcendée. Elle ne sera plus manifestée selon les lois de vos personnes, mais elle sera totalement manifestée selon les lois de votre conscience éthérique. L'homme de la Terre doit commencer à penser d'une façon qui ne convient plus à son passé. Il doit être capable de construire des hypothèses. Il doit être capable de construire des moyens. Il doit être capable de construire des formes. Il doit être capable de vivre des formes qui seront implantées dans son esprit pendant que l'énergisation de son mental et de son émotionnel se fera pour la construction petit à petit d'un pont entre notre intelligence et la leur, afin que demain, l'homme soit libre d'aller où il veut sur la Terre à l'insu des formes de gouvernement qui font partie de l'institutionnalisation de vos peuples et de vos nations. Lorsque nous parlons d'une société anonyme, nous parlons d'une société à grande échelle. Cette société, elle est trop vaste, elle est trop complexe pour vos esprits, mais elle est simple dans sa manifestation fondamentale. Elle est fondée sur le principe que l'homme qui est dans l'intelligence ne peut plus travailler sur le plan de la monnaie, sur le plan de la propriété, sur le plan de ses acquis, en fonction de sa personnalité ancienne, mais simplement en fonction de sa réelle personnalité qui aura été créée par l'ajustement mental, émotionnel et vital de son énergie avec la nôtre. Ces hommes seront bien. Ces hommes vivront une vie qui sera totale et la pauvreté est un phénomène qui engendre dans l'homme une constipation de son intelligence. La pauvreté constipe tellement l'intelligence qu'un homme qui ne vit plus dans la pauvreté, un homme qui n'est plus lié à la nécessité de travailler pour vivre, automatiquement subit un état de conscience qui altère la composition électrochimique de son mental. Et lorsque la conscience électrochimique du mental humain est altérée, automatiquement le niveau d'intelligence grandit et automatiquement le pouvoir de la pensée résonne à une échelle qui ne convient pas à sa personnalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est possible à l'homme de comprendre, de concevoir, de former, de formuler, d'intégrer, de projeter, d'hypothéquer des idées à une échelle extrêmement vaste, mais des idées qui ne peuvent pas mourir parce qu'elles sont soutenues par le rayon de l'intelligence et non par le corps du désir. Et autant nous pouvons expliquer à l'homme le pouvoir de l'intelligence créative à l'intérieur d'une société anonyme, autant il est impossible à l'homme de concevoir l'expression de son pouvoir dans le temps parce que l'homme est incapable de s'imaginer le pouvoir de l'intelligence créative. Et c'est justement parce que l'homme est incapable de s'imaginer le pouvoir de l'intelligence créative qu'il lui sera difficile éventuellement, au cours des années, d'intégrer ce qu'il ressent à ce qu'il sait et à ce qu'il voit. Et ceux qui pourront intégrer ce qu'ils ressentent à ce qu'ils savent, à ce qu'ils voient, automatiquement auront la capacité de faire ou de créer et de monter cette forme humaine à longue échelle, qui est la sixième race. Les hommes de demain ne peuvent plus penser avec leur petite pensée. Les hommes de demain doivent être capables de penser, comme j'ai déjà dit, de penser l'impossible, c'est-à-dire de voir l'impossible, c'est-à-dire de réaliser que l'impossible existe. Et lorsqu'ils seront suffisamment conscients, il ne sera plus pour eux question de penser l'impossible, ils seront dans l'impossible réalisé. Ce qui appauvrit l'esprit humain sur le globe aujourd'hui, que l'homme soit riche ou que l'homme soit pauvre, ce n'est pas le statut social. C'est le fait que l'homme, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, se sent prisonnier de la société. Et tous les hommes se sentent prisonniers de la société, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas la capacité de penser des pensées qui sont impossibles. Et lorsque les hommes auront la capacité de penser des pensées impossibles, ils verront à ce moment-là que l'énergie de l'intelligence qui doit servir à la création, à la manifestation de ces pensées impossibles, n'est pas loin dans leur cerveau. Alors, en attendant, qu'est-ce que l'homme fait? Il va voir des livres, des films de science-fiction. Il lit des livres de science-fiction ou il lit des livres ésotériques. Qu'est-ce que c'est l'ésotérisme? L'ésotérisme, c'est cette nourriture qui sert à étancher la soif de l'homme pour l'impossible. C'est pourquoi plus le temps avance, les gens, même les plus loin de cette pensée ésotérique, s'en nourrissent de plus en plus. Il viendra un temps dans les années qui viennent où l'ésotérisme sera une lecture ou une science ou une philosophie qui sera connue ou reconnue par beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne lisent que le Montréal Matin. Nous continuons. Remarquez que la nature de l'impossible ne peut pas être transmise à l'homme expérimentalement. L'homme ne peut pas expérimentalement, c'est-à-dire par la lecture, simplement par la communication verbale, comprendre la nature de l'impossible. Parce que la nature de l'impossible ou l'impossible fait partie de nous. Nous sommes l'impossible dans l'homme. Nous sommes l'impossible dans l'homme. C'est notre manifestation dans l'homme qui rend l'impossible réel. Ce n'est pas l'homme qui puisse construire, manifester l'impossible. Et c'est pourquoi il est très difficile et même impossible à l'homme de concevoir l'impossibilité d'une société anonyme ou l'impossibilité des mécanismes à l'intérieur d'une société anonyme parce que nous ne sommes pas en lui suffisamment. Et lorsque nous serons suffisamment dans l'homme, il sera très facile pour cet homme de s'ajuster à la conscience d'une société anonyme et de participer créativement et activement à la formation, à l'instruction, à la diffusion et à l'organisation de cette société anonyme dans le monde. Mais vous ne pouvez pas penser à ceci. Vous ne pouvez pas penser à la société anonyme parce que la société anonyme, elle est voilée. Vous ne pouvez pas penser à la société anonyme parce qu'il vous est impossible de penser à ces choses. La société anonyme ne se pense pas, elle se crée. Et si vous pensez trop à la société anonyme, vous développerez une attitude, vous créerez des attitudes, vous voudrez appartenir à cette société anonyme, vous voudrez faire des mouvements envers cette société anonyme, et ces mouvements seront refusés, et vous serez, dans votre cœur et dans votre esprit, désappointé. Ne vous occupez pas de la société anonyme. Plus nous vous parlons, plus nous ouvrons vos centres d'énergie, plus nous descendons en vous, plus il vous sera possible un jour de vivre, de travailler, de fonctionner en fonction d'un plan qui est universel. Et à ce moment-là, la société anonyme sera vous, sera parfaitement en harmonie avec vous, comme vous serez parfaitement en harmonie avec elle. Sur la Terre, il n'y a jamais eu de société anonyme. Pour qu'il y ait société anonyme, il faut que nous soyons en vous. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons le contrôle total de vos pensées. Et tant que nous n'aurons pas le contrôle total de vos pensées, vous n'aurez pas la conscience totale de votre intelligence. Remarquez ce que nous disons. Pour que vous ayez la conscience totale de votre intelligence, il faut que nous ayons le contrôle total de vos pensées. Remarquez ce que nous disons. Pour que vous ayez la conscience totale de votre intelligence, il faut que nous ayons le contrôle total de vos pensées. Et pour que nous ayons le contrôle total de vos pensées, il faut que votre intelligence telle qu'elle est aujourd'hui soit de plus en plus ajustée à la nôtre, c'est-à-dire que il faut que vos pensées perdent de plus en plus de leur émotivité. Et lorsqu'il n'y aura plus d'émotivité dans vos pensées seront notre intelligence et à ce moment-là, vous serez les Alors, la pauvreté a été pendant des siècles l'instrument sur le globe des forces astrales. C'est-à-dire qu'elle a été pendant des siècles la puissance contre l'homme. Et la fausse richesse a été aussi la puissance astrale contre l'homme. Et la puissance de la pauvreté, puisque nous parlons aujourd'hui de la pauvreté, est tellement grande qu'elle a éliminé de l'intelligence de l'homme, la lumière de son esprit. De sorte qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, au 20e siècle, les hommes travaillent de plus en plus pour des organismes qui sont de plus en plus vastes et qui ne peuvent pas leur permettre de manifester leur intelligence créative. Et lorsqu'un homme est empêché, le moindrement, de manifester son intelligence créative, automatiquement, il perd son intelligence créative et automatiquement, il entre de plus en plus dans la manifestation astrale sur son intelligence et sur son émotion. Et c'est ce qui fait que l'homme, éventuellement, perd le goût à la vie, ne s'intéresse plus à la vie et ne connaît plus la vie et ne connaît que l'existence de la vie, c'est-à-dire cet aspect mécanique de sa conscience qui lui permet de travailler de 9 à 5, de retourner à la maison, de regarder la télé, de travailler de 9 à 5 et d'aller en Floride deux fois par année. C'est très important pour l'homme de comprendre que l'homme est un être biologique, vibratoire, dans lequel l'intelligence est la vie. Et lorsque je dis que l'homme est un être biologique, vibratoire, dans lequel l'intelligence est la vie, aussitôt que l'homme perd conscience de la vibration en lui, il commence à être assujetti aux forces planétaires et il doit éventuellement perdre totalement son énergie, qui finit par le phénomène que nous connaissons sur ce globe, la mort matérielle. Alors, les conditions dans notre civilisation sont parfaites, sont totalement établies pour que l'homme perde conscience vibratoire de son intelligence. Et c'est pourquoi je dis que ceux parmi vous qui se conscientiseront en viendront, après un certain nombre d'années, à vivre, à avoir besoin de ce que j'ai déjà appelé l'isolation psychique, c'est-à-dire cet état d'esprit qui ne veut plus être condamné à subir l'état psychique, psychologique des êtres humains. Mais pour que l'homme puisse, un jour, ne plus être condamné par l'état de choses, par l'état psychologique de l'humanité, il faut qu'il ait suffisamment d'intelligence pour transmuter son état de vie dans un autre état de vie. Et la transmutation de l'homme d'un état de vie à un autre nécessite qu'à un certain moment, ils puissent vivre de l'intelligence créative générée à travers une multitude d'individus qui ont la même capacité d'absorption et qui sont des canaux pour cette conscience. C'est ce que nous pourrons appeler la société anonyme. Et cette société anonyme sera à la fois père de l'homme et à la fois mère de l'homme. Elle sera mère de l'homme parce qu'elle permettra à tous les hommes qui feront partie d'elle d'être nourris sur le plan matériel. Elle sera père de l'homme parce que c'est à travers elle que l'homme comprendra les plans de la volonté de l'intelligence universelle sur le globe. Et la société anonyme étant à la fois père et mère, l'homme ne sera pas divisé dans le rôle et la fonction du travail. L'homme sera unifié dans le rôle et la fonction du travail, de sorte que le rôle du travail étant de canaliser l'énergie créative et la fonction du travail étant la canalisation de cette énergie sur le plan mondial, comme toutes les civilisations se doivent. Mais aujourd'hui, l'homme est divisé entre le rôle et la fonction. Le rôle de l'homme a été amoindri, le rôle de l'homme a été mécanisé dans le travail et la fonction de l'homme sur le plan du travail ou la fonction du travail en fonction de l'homme a été de plus en plus nous sommes obligés de couper. Sa conversation. Les hommes de votre globe doivent s'habituer à respecter leur intelligence. Et respecter son intelligence veut dire deux choses. Premièrement, l'apercevoir et deuxièmement, l'appliquer. Naturellement, vous ne pouvez pas appliquer votre intelligence aujourd'hui, comme vous le ferez demain, parce que aujourd'hui, votre intelligence est trop faible, parce que vos corps, vos centres d'énergie ne sont pas suffisamment ouverts. Alors, nous avons créé des conditions événementielles qui font partie de la programmation de votre conscience atomique et qui a un effet sur votre mental et sur votre émotion. Et cette conscience événementielle, son déroulement, son développement fait partie de votre destinée. Et vous réaliserez avec le temps que vous ne pouvez pas aller contre votre destinée. Mais vous pouvez un jour la comprendre, votre destinée. C'est-à-dire qu'un jour, vous devez être capable de réaliser la différence entre ce que vous voulez faire sur le plan de votre ego et ce que vous devez faire dans le temps. Et lorsque vous aurez réalisé la différence entre ce que vous pouvez faire sur le plan de votre ego et ce que vous devez faire dans le temps, vous développerez une sorte de patience, une sorte de résistance aux événements, et cette résistance vous permettra de devenir de plus en plus intelligent. Nous ne pouvons pas vous rendre intelligent d'une façon gratuite. Nous serions obligés, à ce moment-là, de fusionner directement avec vous. Alors, pour vous rendre intelligent, nous sommes obligés de vous rendre de plus en plus patient. Et dans la patience, nous disons deux choses. Nous ne disons pas que pendant que nous travaillons à vous rendre patient, c'est-à-dire intelligent, en manipulant les événements dans votre vie, que vous devez, sur le plan psychologique de votre ego, ne rien faire. Vous devez toujours continuer à œuvrer comme vous avez toujours par le passé œuvré. Viendra le jour où vous ne pourrez plus œuvrer, et vous, lorsque vous ne pourrez plus œuvrer, c'est parce que nous serons trop près de vous. Et lorsque vous ne pourrez plus œuvrer parce que nous sommes trop près de vous, vous souffrirez de la présence de cette énergie en vous, et vous comprendrez que toutes les portes ont été barrées et que vous n'avez aucun accès à ce que vous voudrez faire. Et lorsque vous n'aurez plus d'accès à ce que vous voulez faire, vous serez près de la porte dont la clé est contenue dans la séquence, dans la programmation de la loi des événements qui font partie de votre destinée. Nous sommes obligés et nous serons obligés, d'ailleurs ce sera le mode d'expression, le mode d'entrée de notre intelligence dans votre conscience atomique pendant les siècles qui viendront. Nous serons obligés d'enlever tout à l'homme pour que demain il possède tout. Et lorsque nous disons que nous devons enlever tout à l'homme, nous disons que nous devons non pas rendre l'homme pauvre, mais peut-être de l'appauvrir. Non pas de le rendre pauvre, mais peut-être de l'appauvrir pour une période plus ou moins longue, afin de le détacher de sa conscience astrale, afin que nous puissions demain pénétrer d'une façon très libre, très rythmée dans sa conscience atomique. Parce que c'est de la conscience atomique que l'homme demain pourra vivre et pourra sentir notre présence. Mais il ne s'agit pas pour les hommes de ne rien faire pendant que nous travaillons sur eux. Les hommes doivent continuer à œuvrer autant qu'ils le peuvent. Et lorsque les forces en eux seront trop grandes, ils ne pourront plus œuvrer, et à ce moment-là, il y aura une autre vertu. C'est pourquoi vous devez apprendre à ne jamais vous décourager, parce que le découragement fait partie de l'impression que nous créons sur votre mental, pour vous faire, sur le plan émotif, réagir à des conditions de vie dont nous donnons la clé. C'est ainsi que nous formulons de plus en plus les lois de votre intelligence qui changent et qui varient avec chaque individu. Les lois de l'intelligence varient avec chaque individu. Parce que de l'intelligence étant de l'énergie, chaque individu possède le quantum d'énergie qu'il a de besoin pour manifester, pour se manifester d'une façon intelligente. C'est pourquoi certains parmi vous ne souffriront pas de cet appauvrissement, d'autres le souffriront de cet appauvrissement. Certains ne souffriront pas trop du temps, d'autres souffriront beaucoup du temps. Et ceci fait partie de l'organisation constante des rayons que nous utilisons pour changer les vibrations de vos neurones. Vous devez apprendre à vous dégager de ce que vous pensez de vous-même. De ce que vous pensez. Vous devez apprendre à vous dégager de ce que vous pensez. Vous ne pensez pas ce que vous êtes. Vous ne pensez pas votre intelligence. Vous pensez vos émotions. L'émotivité est une constante dans la vie de l'humain. Et l'émotivité est une constante tellement permanente que l'intellect de l'humain en est constamment affecté. Et la relation entre l'émotivité et votre intellect brise le champ de force que nous pouvons utiliser afin de changer votre conscience atomique. Nous n'opérons pas chez vous par le biais de votre mental. Nous n'opérons pas chez vous par le biais de votre mental. Nous avons dit, par la bouche de celui qui vous parle, que nous opérons chez vous par le biais du mental. Et la raison pour laquelle nous avons dit ceci, c'était pour vous faire croire qu'il y avait en vous possibilité d'intelligence. C'est une illusion que nous devons créer. Nous n'appartenons pas à l'homme. Les êtres qui opèrent par le mental de l'homme sont des êtres qui font partie de ce que vous appelez les mondes de la mort. Les êtres de lumière n'opèrent pas chez l'homme par le biais du mental. Les êtres de lumière opèrent chez l'homme par le biais de sa conscience atomique, autant sur le plan physique, vital, émotionnel et mental. De sorte que l'intelligence n'est pas dans le mental humain. Et elle ne le sera jamais, l'intelligence, dans le mental humain, puisque le mental humain est une condition planétaire qui fait partie de la conscience de l'involution. Nous ne sommes pas intéressés au mental humain et vous ne serez jamais dans l'intelligence sur le plan mental. Nous renversons les lois de votre occultisme mondial et nous renverserons toutes les lois de vos pensées. Nous renverserons toutes les lois de vos pensées et nous détruirons complètement ce que vous avez appris par le passé. Ce que vous avez appris par le passé n'a servi qu'à vous rendre de plus en plus aimant. C'est la fonction de ce que vous avez appris dans le passé. Mais un jour, vous comprendrez que ce n'est pas votre rôle d'être aimant. Être aimant fait partie de la nature animale de l'homme et non pas de la conscience scientifique de l'homme supramental. Tant que les hommes seront aimants, les hommes ne seront pas intelligents parce que l'amour ne fait pas partie de l'homme. L'amour fait partie de notre pouvoir sur l'atome. L'amour que l'homme possède est simplement une sentimentalité qui rattache ses émotions à son intellect pour permettre à sa personnalité de demeurer intacte pendant qu'il est dans le corps matériel et avant qu'il subisse la désintégration de ce dernier. Si vous n'aviez pas d'amour sur votre globe, vous seriez totalement appauvri en esprit, comme vous êtes appauvri en matière. C'est pourquoi, souvent, les hommes, lorsqu'ils n'ont pas d'amour dans l'esprit, se jettent dans l'amour de l'argent, afin de compenser. Alors, il est temps que vous sachiez que l'amour ne fait pas partie de l'homme. Que l'homme n'est pas obligé d'aimer, que l'homme, tant qu'il aimera, ne sera pas dans la conscience scientifique de son intelligence, c'est-à-dire qu'il ne comprendra pas parfaitement les lois de la vie, c'est-à-dire qu'il ne sera pas intelligemment en harmonie avec sa conscience atomique, matérielle, émotive, mentale et physique. Mais tant que vous aimez, continuez à vous bien aimer. Mais pendant que vous continuez à vous bien aimer, nous vous assurons que nous détruirons en vous ce sentiment avec les années et que petit à petit, vous perdrez la capacité de bien aimer. Et lorsque vous aurez bien perdu la capacité de bien aimer, vous vous sentirez plus intelligent. Ceci ne veut pas dire que vous détruirez vos alliances, mais ceci veut dire que vos alliances seront plus parfaites et elles seront plus en harmonie avec notre intelligence dans les deux partenaires. Nous ne sommes pas intéressés à l'amour humain parce que l'amour humain est une farce. Et l'amour humain a été utilisé par les intelligences qui travaillent contre nous pour le bénéfice de leur monde contre la servitude de l'homme. L'amour est la force qui a servi à abrutir l'esprit de l'homme, à détruire son intelligence et à entraver la pénétration de l'intelligence cosmique sur le globe pour rendre les hommes scientifiquement intelligents. L'amour est une pollution sur votre planète, mais une pollution qui est essentielle tant que vous n'avez pas suffisamment de masques pour vous prémunir contre ces particules. L'amour a autant pollué votre planète que la guerre. Vous avez fait des guerres au nom de l'amour, vous avez fait des guerres au nom du Christ, vous avez fait des guerres au nom de tout ce qui représente l'amour, afin de rendre plus puissante l'épée qui a détruit vos corps. Ne nous parlez pas d'amour. Ils nous mettront éventuellement en vous une vibration, et ceux qui vivront et qui entendront parler d'amour se fâcheront intérieurement. Et lorsque ceux qui auront reçu cette vibration se fâcheront intérieurement, il se produira dans leurs yeux une sorte de manifestation qui fera craindre, qui fera peur à ceux qui les regarderont. Nous sommes obligés de créer dans la condition de l'homme, dans l'esprit de ceux que nous voulons élever à la conscience universelle, dans la conscience de ceux qui font partie de nous, nous sommes obligés de créer l'antidote de l'amour, et l'antidote de l'amour, c'est l'intelligence. Vous comprendrez ce qu'est l'amour demain, Et demain, vous comprendrez que l'amour est une énergie, comme l'intelligence est une énergie, et comme la volonté est une énergie. Mais aujourd'hui, vous avez besoin d'amour parce que vous avez suffisamment d'astralité en vous, et vous ne devez pas perdre trop rapidement cette énergie parce que vous vous sentiriez trop seul sur la Terre. Mais un jour, vous ne vous sentirez plus seul sur la Terre, parce que vous serez suffisamment intelligent pour savoir que nous sommes avec vous. Et lorsque vous saurez parfaitement que nous sommes avec vous, nous serons en vous, vous serez en nous, et nous partagerons tous les deux les dimensions de l'espace et du temps, et nous pourrons à volonté vous manifester dans d'autres dimensions. Et c'est à partir de ce moment-là que nous vous apporterons, que nous vous amènerons, que nous vous permettrons de visiter les laboratoires secrets que nous avons placés dans les fonds de la Terre. Et c'est à partir de la vision, de la réalisation, de la pénétration de ces éthers spéciaux que nous avons cultivés pour vous pendant des millénaires, que nous avons disposés à l'intérieur de la Terre, contre tout abri de l'inconscience, que vous comprendrez pourquoi l'homme est vêtu d'amour et qu'il est dépouillé d'intelligence. Au cours de l'évolution, la société humaine, la formation, la structuration de la société humaine avait toujours été fondée sur deux principes de base. Le premier principe, c'était celui de l'enseignement de l'homme. Et le deuxième principe, c'était celui de l'institutionnalisation de l'enseignement de l'homme. Toutes les sociétés humaines dans le passé ont été régies par ces deux principes-là. De sorte que l'enseignement de l'homme, l'enseignement qui était donné à l'homme, soit par des initiés ou soit par des intelligences qui se manifestaient à l'homme au cours de l'histoire, cet enseignement était superimposé sur la conscience humaine. Et étant un enseignement superimposé sur la conscience humaine, et l'homme n'étant pas dans son intelligence, l'homme était forcé émotivement et mentalement d'accepter l'enseignement pour faire partie du corpus social. Et ce mouvement, cette structure durait pendant des siècles et donnait comme résultat les civilisations que nous avons connues. Au cours de l'évolution, dans les siècles qui vont venir après la fin du cycle, les hommes ne pourront plus, quand je parle des hommes, je parle des hommes qui seront conscientisés, des hommes qui seront dans leur intelligence, les hommes ne pourront plus vivre à l'intérieur d'un système qui sera le produit d'un enseignement. Les hommes vivront d'une façon totalement libre, c'est-à-dire qu'ils généreront leur propre intelligence de la structure qu'ils auront de besoin pour fonctionner d'une façon optimale. Alors, les hommes créeront leur propre structure. Cette structure ne leur sera plus imposée. Et ceci est extrêmement important parce que si nous regardons l'évolution sociale de l'avenir, à un certain moment, les hommes, devenant de plus en plus sensibles à l'énergie de la conscience universelle, ne pourront plus dialoguer ou entretenir de rapport avec les anciennes structures de l'humanité. Et comme ils seront obligés de continuer à évoluer sur le plan matériel, les hommes seront obligés de faire descendre sur le plan matériel certaines forces qui leur permettront de réorganiser leur structure sociale, mais d'une façon qui est totalement une anomalie vue du point de vue de la cinquième race. Je vous donne un exemple. Si nous projetons l'homme dans 50 ans, et si nous regardons le processus de transmutation sur le plan du corps mental de l'homme pendant une cinquantaine d'années, il est évident qu'à un certain moment, l'homme aura la capacité de déterminer selon sa volonté, son rapport avec la matière. Et ceci va très loin parce que l'homme, éventuellement, étant capable de déterminer son rapport avec la matière, pourra réorganiser la matière de la planète, mais dans des régions précises, des régions qui feront déjà partie de sa conscience éthérique, des régions qu'il aura vues en relation et en fonction de sa conscience éthérique, de sorte que son corps matériel n'aura plus la même volonté qu'il avait dans le passé. Et c'est ceci que je veux expliquer dans cette section-ci. Quand je parle de la volonté du corps matériel, je parle du pouvoir astral sur le corps matériel de l'homme. Et le pouvoir astral sur le corps matériel de l'homme a été, depuis l'évolution, depuis le développement des tribus, depuis le développement des villes-états, depuis le développement des grands centres de civilisation, a été un moyen perpétré contre l'homme pour maintenir le pouvoir de l'astral sur la Terre. Lorsque l'homme sera libre de ceci, c'est-à-dire que lorsque l'homme sera capable de noyauter suffisamment de force vibratoire à l'intérieur d'une cellule humaine quelconque, une cellule contenant un certain nombre d'unités qui fonctionnera sur une même longueur d'onde, les hommes pourront se détacher du corps humain mondial et regreffer un corps social occulte, dans des conditions où le pouvoir du mental humain sera effectif, c'est-à-dire où le pouvoir du mental humain pourra se joindre à l'éther régional de la planète. De sorte qu'il y aura des gens qui seront attirés vibratoirement à certaines régions du globe, il y a des gens qui seront attirés éventuellement à vivre sous les mers, comme il y a des gens qui seront attirés éventuellement à vivre dans des lieux de montagne, comme il y aura des gens intéressés à vivre dans les déserts. Aujourd'hui, c'est difficile pour l'homme de s'imaginer à l'extérieur ou au-delà de l'activité de sa technologie, de vivre dans des conditions pareilles. Mais demain, ce sera très facile parce que demain, l'homme aura accès à une technologie qui ne fait pas partie de la cinquième race, c'est-à-dire qu'il aura accès à une technologie qui pourra lui permettre de démembrer la matière et la réorganiser à un autre taux de vibration. Et c'est ainsi que l'homme commencera un peu partout sur la Terre à créer des centres d'influence très puissants qui deviendront des centres d'énergie et qui deviendront des centres cellulaires de la nouvelle civilisation. La nouvelle civilisation ne sera pas créée ou ne partira pas d'un centre mondial. La nouvelle civilisation commencera et partira de l'activité vibratoire d'un certain nombre d'hommes, cellulairement en activité vibratoire et en harmonie vibratoire les uns les autres, et ces hommes, ces cellules, se regroupant sur différents plans ou dans différentes régions de la planète, éventuellement pourront se lier ensemble, pourront travailler ensemble. De sorte que la civilisation de la sixième race ne sera pas une civilisation créée à partir de la matière. Elle sera créée à partir de l'éther et sortira, deviendra matérialisée avec le temps. Et pour nous, les hommes de la cinquième race, c'est une condition suffisamment différente et suffisamment difficile à saisir parce qu'on est habitué de voir les choses d'une façon autre. On est habitué de voir la formation d'une civilisation à partir de la relation psychologique entre la matière et l'humain. Lorsqu'en fait, demain, au cours du 21e siècle, après la fin du cycle, après la descente dans la matière des forces de l'énergie de la lumière, cette condition sera totalement renversée. Et pour que cette condition soit renversée et pour qu'elle soit aussi utile à l'homme, il faut que les conditions propices à l'évolution d'une nouvelle civilisation soient fondées sur le rapport entre l'individu et son intelligence. Et le développement de l'intelligence chez l'individu, c'est un développement qui ne peut pas être accéléré par lui parce que la formation d'une nouvelle race et sous le contrôle vibratoire des intelligences qui sont dans l'invisible. Tandis que la construction d'une nouvelle civilisation doit être sous le pouvoir humain. de sorte qu'éventuellement il doit se faire se créer une synthèse entre l'homme matériel, l'homme corporel et l'homme invisible, c'est-à-dire la partie éthérique de l'homme et la partie matérielle de l'homme. Et cette synthèse permettra la formation des cellules et aussi permettra le déplacement sur la Terre au début des corps éthériques humains. Autrement dit, la formation de la nouvelle civilisation commencera d'abord dans l'invisible et ensuite les corps physiques suivront. Je donne un exemple, un homme ou tout homme suffisamment harmonisé à l'énergie sortira de son corps. En sortant de son corps, il pourra explorer la planète éthériquement et choisira un lieu. Le lieu qu'il choisira conviendra à son éther, conviendra au travail qu'il a à faire, conviendra à sa sensibilité, ainsi de suite. Et ensuite, plus tard, la connexion sera établie entre son corps éthérique et son corps physique, de sorte que son corps éthérique, son corps physique recevra un message d'aller à tel endroit. Mais c'est l'homme qui appellera l'homme. C'est l'homme qui s'appellera lui-même. L'homme aujourd'hui ne peut pas avoir d'indication, ne peut pas avoir d'idée que c'est lui qui doit s'appeler lui-même, parce que l'homme aujourd'hui est construit d'une façon homogène. Dans ce sens que son mental, son vital, son émotionnel et son physique répondent à des lois astrales. Lorsque l'homme ne répondra plus à ces lois, qu'il pourra vivre à la fois sur le plan de son intelligence réelle et à la fois sur le plan de la manipulation vibratoire de cette intelligence à travers ses principes, éventuellement, il pourra suffisamment se dépersonnifier pour, au début, entrer en contact avec le plan éthérique de son choix, la région éthérique de son choix, et plus tard, lorsque ses corps seront suffisamment ajustés, appeler sa personne matérielle pour qu'elle rejoigne sa personne éthérique. Lorsque les hommes seront à ce point d'évolution, la nouvelle civilisation, la civilisation de la sixième race humaine, sera en effet en voie de perfectionnement. Quand je parle de la formation de la société anonyme, quand je parle de la nécessité chez l'homme aujourd'hui qui est en phase de transition de détruire toute pauvreté dans sa vie, j'indique des aspects de la civilisation humaine aujourd'hui. Les hommes seront obligés de subir la vie contre leur gré, et quand je parle de la vie, je parle de la vie sociale, je parle de la vie en fonction de leur travail. Tant que les hommes ne seront pas capables de s'activer comme ils le veulent, comme ils le souhaitent, ils ne pourront pas commencer à générer l'énergie éthérique dont ils ont besoin pour sortir de leur corps matériel, pour éventuellement rappeler ces corps matériels à des endroits sur la Terre qui conviennent à l'exploitation éventuelle des ressources naturelles de la Terre par le biais de la conscience éthérique et son pouvoir sur le corps matériel. Alors, quand je parle de pauvreté, je ne parle pas nécessairement de pauvreté en fonction de l'aspect psychologique de la pauvreté. Je parle de la pauvreté quand je parle du fait, ou quand j'explique le fait que l'homme ne doit plus être pauvre, je dis que l'homme doit éventuellement engendrer en lui suffisamment d'énergie de l'intelligence, autrement dit, doit être suffisamment dégagé de l'emprise astrale pour que se commence ce travail de dévoilement entre sa conscience éthérique et sa conscience matérielle. Si nous regardons le phénomène humain du point de vue de l'intelligence ou des intelligences, nous nous apercevons de deux choses. Nous nous apercevons que le phénomène humain est simplement une condensation du phénomène astral sur la Terre. Ça, c'est extrêmement important. Le phénomène humain, c'est la condensation du phénomène astral sur la Terre. L'homme tel qu'il est aujourd'hui, il est le résultat de la condensation et du rapport de plus en plus étroit entre l'astral sur la Terre. Et aujourd'hui, même occultement ou ésotériquement, nous n'avons même pas encore compris jusqu'à quel point la condensation astrale est grande sur la Terre. Je vous donne un exemple. Un homme qui est dans l'énergie de l'intelligence, autrement dit, un homme qui est dans sa conscience éthérique et qui peut façonner à volonté la matière, n'a pas besoin de vivre matériellement. Et quand je dis qu'il n'a pas besoin de vivre matériellement, je veux dire qu'il n'a pas besoin de son corps matériel. Ceci ne veut pas dire qu'il doit délaisser son corps matériel. Mais ceci veut dire qu'il peut garder son corps matériel dans une condition de vibration suffisamment haute pour que ce corps matériel, au lieu d'être le résultat mental, émotionnel et vital et physique de l'activité astrale, devient le résultat du perfectionnement de sa conscience et de sa conscience atomique, de sorte que le corps matériel devient le miroir de la conscience éthérique. Et lorsque le corps matériel devient le miroir de la conscience éthérique, à ce moment-là, le corps matériel participe éthériquement à la matière comme le corps éthérique participe spirituellement à la lumière. Et c'est ce qui créera sur la Terre le pont qui est nécessaire pour que l'homme découvre de plus en plus au cours des siècles l'envergure qu'il doit se donner pour entrer en communication avec d'autres races qui évoluent dans la galaxie et qui vivent et qui connaissent les lois de cette relation entre la lumière, le corps éthérique et le corps matériel. Je dépersonnalise pour que nous comprenions un peu certaines choses. Nous essayons d'expliquer à travers la bouche d'un homme qui est dans la matière les lois de l'invisible. Nous essayons d'expliquer et de faire comprendre à l'homme, au terrien, que toute consistance dans la façon de voir les choses fait partie du pouvoir de ce que vous appelez, vous, sur la Terre, la conscience astrale. Nous vous expliquons la conscience astrale. La conscience astrale est une conscience, c'est-à-dire une intelligence, c'est-à-dire un moyen qui permet à des intelligences qui ne sont pas de votre royaume d'interpréter à volonté vos mémoires pour que vos mémoires demeurent vos intelligences. Vos mémoires demeurant vos intelligences dans la mort et dans la vie existentielle, vous n'avez aucun pouvoir sur l'intelligence. Vous êtes assujetti à la fracturation de l'énergie de l'intelligence, du rayonnement de l'intelligence, et automatiquement vous perdez la capacité de transiger avec la vie et avec la mort. Et comme vous perdez la capacité de transiger avec la vie et avec la mort, vous êtes voué à la plus grande des forces, celle des intelligences de votre mémoire que vous appelez sur votre globe le monde de la mort. Et pourtant, les êtres qui font partie de ce que vous appelez sur votre globe le monde de la mort n'ont aucun pouvoir sur l'homme. Le seul pouvoir qu'ils ont sur l'homme est le pouvoir de l'intelligence, de la mémoire de l'homme. Si nous vous invitons à comprendre que la relation entre la conscience atomique et la conscience des corps subtils est une relation renversée, c'est-à-dire que l'homme fonctionne au niveau de ses corps subtils et ne fonctionne pas au niveau de sa conscience atomique, ça vous donne un peu l'idée que nous voulons vous faire comprendre, que toute relation entre l'homme et nous doit être faite, vécue au niveau de la conscience atomique et non au niveau des corps subtils. C'est pourquoi nous vous disons que nous ne sommes pas intéressés à votre intelligence, que nous ne sommes pas intéressés à vos émotions. Alors automatiquement, si nous raccordons entre vous-même et nous la puissance de nos liens vibratoires, nous sommes obligés de détruire les formes de votre intelligence et annuler les vibrations de vos émotivités pour que vous puissiez vous libérer du pouvoir de l'énergie astrale sur vos corps subtils pour que s'engendre dans votre conscience atomique notre énergie, notre rayonnement. Parce que c'est notre rayonnement qui est à la base de la fonction dans le cosmos de l'intelligence des systèmes planétaires. C'est par notre rayonnement que se maintiennent dans votre cosmos la position solaire, la position de vos planètes respectives. Nous ne sommes pas des êtres tels que vous l'imaginez. Nous ne sommes pas des êtres tels que vous pouvez vous l'imaginer. Parce que tout ce que vous pouvez vous imaginer de la forme intelligente convient simplement à la conscience que vous avez de votre intelligence astrale, de sorte que toute compréhension et toute compensation que vous avez, en vertu de laquelle vous pouvez extrapoler sur la nature du réel, est toujours en fonction de votre intelligence qui est mise dans votre tête, dans votre cerveau, par des intelligences qui sont déjà et qui ont déjà utilisé votre mémoire. Et tant que vous utiliserez votre mémoire pour comprendre le réel, vous ne pourrez que fractionner le réel et vous faire bénéficier sur le plan mental et sur le plan émotionnel d'une forme qui ne convient aucunement au réel. Le réel, c'est un... Le réel, ce que vous appelez le réel, ce que nous essayons d'interpréter pour vous en tant que réel, ce n'est pas ce que vous pensez. Le réel, ce n'est pas un monde. Le réel, ce n'est pas une dimension. Le réel, ce n'est pas un plan. Le réel, c'est l'activité instantanée de la conscience atomique d'un homme. Alors, le réel étant la conscience atomique rendue à l'homme, remarquez que nous disons « rendu à l'homme ». Qu'est-ce que ça veut dire que la conscience atomique soit rendue à l'homme? Ça veut dire que l'homme ait le pouvoir sur l'atome. Ceci veut dire que l'homme ait le pouvoir éventuellement, parce qu'il sera en dehors de la conscience astrale, de réorganiser à volonté la structure de l'atome. Vous avez des concepts purement mécaniques de la nature de l'atome. L'atome, ce n'est pas ce que vous pensez. L'atome, c'est une condition vibratoire du temps en fonction de l'espace qui est géré par la lumière qui pénètre dans la nature même de l'intelligence, de tous les aspects fracturés de vos corps subtils, de sorte que l'atome, un jour, vous le réaliserez non pas comme étant une particule, mais comme étant un champ de force. Et lorsque vous réaliserez que l'atome est enfin un champ de force, c'est à ce moment-là que vous pourrez manipuler ce champ de force et transmuter à volonté les conditions de la matière pour vous créer sur le plan matériel, sur votre globe, une condition de civilisation qui conviendra à votre intelligence, c'est-à-dire qui conviendra à la relation qui existera dans ce temps-là entre vous et nous sur ce plan de conscience que l'on peut appeler la conscience atomique. Mais la conscience atomique, ce n'est pas un plan. Ce n'est pas parce que nous parlons de plan atomique que nous disons que la conscience atomique, c'est un plan. Les plans sont des constructions imaginaires créées par des intelligences qui font partie de la mémoire de l'homme pour que l'homme se conditionne à la réalité de la division des espaces. Et lorsque l'homme aura cessé de se conditionner à la réalité des divisions des espaces, l'homme fonctionnera d'une façon totalement autonome, c'est-à-dire que l'homme n'aura plus besoin de la vie pour vivre. Et lorsque l'homme n'aura plus besoin de la vie pour vivre, la vie, au lieu d'être pour l'homme un médium, un fluide qui sert à engendrer dans son mental, l'émotionnel, le vital et le physique suffisamment d'énergie pour qu'il puisse reconnaître instantanément la mémoire de, ce, de la mémoire de sa mémoire, ce que vous appelez votre intelligence, qui est enfin que la mémoire, à ce moment-là, l'homme sera capable de gérer la vie. L'homme, un jour, doit être capable de gérer la vie. Autrement dit, l'homme, un jour, doit être capable de manipuler les champs de force qui font partie de la conscience atomique. Et à ce moment-là, la vie sur la Terre ne sera plus ce qu'elle a été dans le passé. C'est-à-dire que la vie sur la Terre ne sera plus le résultat de la conscientisation par la mémoire de l'homme des vertus de l'intelligence astrale pour maintenir sur la Terre le voile de la conscience du réel. À ce moment-là, l'homme sera dans le réel, mais l'homme ne pourra pas convertir le réel en irréel. C'est-à-dire que l'homme ne pourra pas traduire ce qu'il sait, ce qu'il est, dans les mondes, dans les corridors de la vie, en fonction d'une présence sur le plan matériel qui ne pourra pas être comprise par le reste des hommes. Alors, c'est pour ça que l'homme qui fonctionnera au niveau de cette conscience atomique sera totalement anonyme. C'est ce que nous appelons la conscience anonyme, c'est ce que nous appelons la société anonyme. Nous parlons aujourd'hui de société anonyme sur un plan qui est extrêmement primitif, mais nous allons et nous devons éventuellement engendrer dans les hommes, parce que c'est par les hommes que nous devons passer, nous devons engendrer dans les hommes suffisamment d'énergie au cours des années pour qu'éventuellement l'homme puisse vivre sans avoir besoin de vivre, c'est-à-dire pour que l'homme puisse vivre sans avoir besoin de respirer. Et un jour, l'homme doit cesser de respirer. Parce que tant que l'homme respire, il est obligé d'amenuiser le lien entre l'énergie de l'intelligence et sa conscience atomique. Et automatiquement, il n'a aucun pouvoir sur la matière. Et automatiquement, lorsque cette matière dépérit avec les années, il est obligé de mourir. Alors, si l'homme un jour réalise que la condition même de l'involution fait partie de la mémoire de l'humanité, si l'homme réalise que son intelligence, quelle que soit haute la vertu de son intelligence, n'est qu'une approximation du réel, sa mémoire, pour le contrôle sur la Terre des forces astrales, l'homme s'apercevra que la connaissance est inutile, que l'homme n'a pas besoin de connaissance, que ce que l'homme a besoin, c'est d'être capable de manipuler l'énergie de l'atome pour qu'il puisse lui-même se rendre compte de l'infinité de ce que nous avons créé, c'est-à-dire de l'infinité de la perfection des mondes en évolution. Parce que ce que nous avons créé est là. Ce que nous avons créé fait déjà partie des mondes en dehors de ce que vous appelez la conscience astrale. Ce que nous avons créé fait partie déjà des mondes que vous appelez le réel. Mais ce que nous avons créé ne fait aucunement partie de ce qui a été inventé par les intelligences dans l'astral pour le bénéfice de l'homme, pour le bénéfice de ces intelligences et pour éventuellement subjuguer l'homme à la matière. Alors, nous sommes voués à la destruction des liens entre la matière et l'homme, de sorte que nous sommes voués éventuellement à traduire l'homme devant le tribunal de la vie, c'est-à-dire à forcer l'homme à ne plus respirer pour pouvoir engendrer une autre vibration sur le globe, qui sera la vibration de la conscience supramentale chez ceux qui seront capables de vivre l'exténuant exercice du rapprochement entre eux et nous. Et cet exercice de rapprochement entre vous et nous, c'est cet exercice qui vous permet au cours des années de réaliser de plus en plus la fatigue de la patience, de l'attente, de l'intelligence. Et c'est dans la fatigue de la patience, de l'attente, de l'intelligence que vous perfectionnez votre conscience atomique, que vous vous éliminez petit à petit de la conscience astrale et que vous nous permettez avec les années de faire un rapprochement entre vous et nous suffisamment parfait pour que nous puissions, sans que vous souffriez, sans que vous en sentiez des défaillances, vous séparer de la matière, vous séparer du besoin de respirer. Et lorsque vous n'aurez plus besoin de respirer, à ce moment-là, vous serez capable de maintenir vos corps en état . Alors, quand je parle de la pauvreté, j'essaie de faire comprendre que les hommes, au cours des années qui viennent, réaliseront, apprendront, sauront tout par vibration, rien psychologique. Et lorsque les hommes fonctionneront par vibration et ils ne fonctionneront plus psychologiquement, ils ne pourront plus vivre la pauvreté. La pauvreté pour eux deviendra une souffrance au lieu d'être un état psychologique. Et lorsque la pauvreté deviendra une souffrance pour l'homme, c'est à ce moment-là que l'énergie vibratoire entrera en lui et créera en lui une très grande douleur, une très grande colère. Et la colère que créera cette énergie engendrera chez l'homme suffisamment d'intelligence et de volonté pour qu'il puisse réorganiser sa vie matérielle afin de petit à petit être de plus en plus libre émotivement et mentalement de cet état d'esprit qu'on appelle la pauvreté, quelle que soit sa condition de vie. La pauvreté charme l'homme. Il la déteste, mais elle le charme. Et la façon pour la pauvreté de charmer l'homme, c'est ceci, c'est que l'homme qui est pauvre ne peut pas voir comment il ne peut pas l'être. Et s'il ne peut pas voir comment il ne peut pas l'être, il va se dire, ah ben, il n'y a rien à faire. Je suis bien de rester avec ma petite job. Alors, la pauvreté charme l'homme, et la pauvreté venant de l'imposition astrale sur l'intelligence humaine, sur l'homme, il est évident que tant que l'homme n'est pas dans la vibration de l'intelligence, il ne peut pas faire échec à cette intelligence astrale, à cette mémoire qui contient et qui convient avec ses émotions et son intellect, et automatiquement, il est voué à vivre un état matériel qui peut continuer pendant des années de temps. Et selon les conjonctures économiques, bon, il se trouve sur l'assurance sociale. Il est rendu sur l'assurance sociale, mais il est tellement bien qu'il ne veut pas faire d'effort. Et le cercle continue. C'est pourquoi la formation de la société anonyme, c'est-à-dire la formation, la descente dans la matière d'une intelligence qui réorganise le matériel humain sur le plan mental et sur le plan émotionnel, avec les années, pourra suffisamment enlevé à l'homme la nécessité de gérer sa vie matérielle pour lui laisser suffisamment d'espace pour commencer à créer à l'intérieur de sa vie matérielle. Et ce mouvement sera le mouvement de l'énergie qui l'amènera éventuellement à la séparation du corps matériel d'avec le corps éthérique. Parce que le corps éthérique ne peut pas se séparer du corps matériel tant qu'il y a de l'astralité dans l'homme. Le corps éthérique ne peut pas se séparer du corps matériel tant qu'il y a de l'astralité dans l'homme. Parce que le corps éthérique est un corps tellement fragile et à la fois tellement robuste que dès qu'il se sépare de l'homme, s'il y a moindrement d'astralité, c'est-à-dire moindrement de conventions psychologiques ou d'attitudes émotionnelles, ce corps est obligé de demeurer avec le corps physique. Sans ça, il y a la mort. Parce que le corps éthérique soutient vitalement le corps de l'homme. Alors, si ce double doit être libéré du corps matériel de l'homme, il faut que l'activité dans le double, qui aujourd'hui est remplie par les forces astrales, soit séparée, c'est-à-dire qu'il faut que le double soit libre de sortir pendant que les forces de la lumière entrent sur le plan de la conscience atomique et maintiennent le corps physique en vie. C'est pourquoi je dis que demain, l'homme ne pourra pas s'inquiéter de sa vie matérielle, parce que ce n'est pas l'homme, dans ce sens que ce n'est pas la condition humaine mentalement et émotivement organisée telle que nous l'avons connue au niveau de la cinquième race, qui s'occupera de l'homme. Autrement dit, la vie demain ne sera plus un phénomène psychologique ou un problème psychologique pour l'homme. L'homme pourra sortir de son corps et s'en aller et faire ce qu'il a à faire pendant que son corps continue à être maintenu en vie par les forces de l'énergie sur le plan de sa conscience atomique. Mais pour que ce résultat se fasse, pour que cet avancement, cette descente dans la matière se crée, il faut absolument que l'homme s'habitue petit à petit au cours des années à ne pas réfléchir à ce qu'il est, à ne pas réfléchir à la vie, à simplement vivre de plus en plus selon cette conscience qui se développe en lui et qui crée la centricité. La centricité étant cette robuste colonne qui permet à l'être humain de se désengager psychologiquement de lui-même pour s'engager réellement en fonction d'un autre lui-même qui est sa conscience double éthérique. C'est pourquoi la pauvreté et la psychologie de l'homme vis-à-vis la pauvreté est très néfaste, parce que non pas la pauvreté garde l'homme dans l'ignorance, non pas parce que la pauvreté empêche l'homme de vivre sa vie, non pas parce que la pauvreté empêche l'homme d'être dans son intelligence et sa volonté, mais parce que la pauvreté éventuellement empêche l'énergie de l'homme, l'énergie réelle de l'homme, de se servir elle-même de ce que l'homme est. C'est-à-dire que l'énergie doit se servir du corps vital de l'homme, doit se servir du corps physique de l'homme, doit se servir du corps émotionnel de l'homme et doit se servir du corps mental de l'homme. Tandis que l'homme de la cinquième race se sert de ses énergies, non pas pour son bénéfice, mais par le biais des intelligences qui sont sur les autres plans. De sorte que ce sont d'autres intelligences, d'autres énergies qui se servent des principes de l'homme, ce ne sont pas les forces de la lumière. Et un jour, les forces de la lumière doivent se servir des principes de l'homme parce que ce sont ces forces qui doivent conscientiser atomiquement ces principes pour qu'un jour l'homme n'ait plus besoin de se préoccuper de vivre, que l'homme ne cesse d'être un être pulmonaire pour n'être qu'un être créatif sur un plan qui est parallèle à son corps matériel. Mais nous sommes extrêmement attachés à la vie matérielle. Pourquoi? Parce que nous avons énormément de mémoire des plaisirs que nous donne notre corps matériel. Nous avons énormément de mémoire des plaisirs que nous donne notre corps matériel. Et c'est cette mémoire des plaisirs que nous donne notre corps matériel, notre vie matérielle, qui empêche l'énergie de l'intelligence de séparer la vie de la mort. Pour que la vie soit séparée de la mort, pour que la mort soit neutralisée, pour que l'homme puisse, à volonté, réorganiser la conscience atomique de ses principes et redonner à son mental vital et émotionnel et physique l'énergie dont il a besoin pour parcourir les espaces matériaux, il faut absolument que l'homme soit libre de l'intérêt de la vie, c'est-à-dire des désirs créés en lui par les intelligences inférieures de l'astral. Dans le passé, les mystiques, les êtres spirituels, les êtres qui ont enseigné à l'humanité ont compris ce phénomène. Le Bouddha a essayé d'expliquer à l'humanité la fonction du corps de désir. Le Bouddha, celui que vous appelez le Bouddha, a donné à l'homme l'explication que le corps de désir était le début de ses souffrances. Et c'est très juste. Mais expliquer, dans le cadre d'une conscience spirituelle évolutive, ceci a mené l'homme à une erreur. C'est que ceci a mené l'homme à la formation de ce que vous appelez sur le globe le mysticisme. Et le mysticisme est une réaction psychologique de l'homme contre les abus de la conscience astrale. Autrement dit, le mysticisme, c'est encore le pouvoir astral sur l'homme, mais élevé à un autre niveau d'intelligence. Alors, l'homme est toujours prisonnier de la même chose. Mais, puisque l'homme aujourd'hui entre dans un cycle d'intelligence, puisque nous avons aujourd'hui la capacité de parler avec l'homme et de diriger sur le plan matériel suffisamment d'informations pour que cette information ne soit pas teintée par l'astral de l'homme, nous sommes très heureux de pouvoir parler à l'homme comme nous le voulons. Nous sommes heureux de parler à l'homme comme nous le faisons et nous sommes heureux de continuer à parler à l'homme jusqu'au jour où l'homme, au lieu d'être parlé, pourra simplement se mettre en harmonie vibratoire avec nous et nous pourrons communiquer avec lui par télépathie. Mais tant que l'homme ne peut pas communiquer avec nous par télépathie, nous sommes obligés de parler à lui par la voie d'un canal qui sert temporairement, mais qui un jour sera dissué parce que ce canal ne peut pas constamment demeurer dans la matière. Mais tant que le canal demeure dans la matière, nous avons au moins le plaisir d'enregistrer sur le plan humain suffisamment d'informations pour que les cerveaux cessent de constamment interpréter la valeur de l'intelligence, la valeur de l'émotivité en fonction de leur mémoire et que l'homme commence à comprendre ce que nous voulons dire. Remarquez que ce que nous voulons dire n'est pas ce que l'homme aime entendre. Tout ce que nous pouvons dire, et nous pouvons parler à l'homme à l'infinité, coïncide avec la descente de notre énergie sur les plans de l'homme. Nous ne sommes pas intéressés à ce que l'homme pense de nous. Nous ne sommes pas intéressés à ce que l'homme pense de nos pensées. Nous ne sommes pas intéressés à ce que l'homme pense de ce que nous disons. Nous sommes simplement intéressés à parler à l'homme. Notre pouvoir de parler, notre pouvoir de liaison, notre pouvoir de communication est infini. Alors nous avons le pouvoir de parler à l'homme à un point tel que l'homme un jour en arrivera à ne plus être capable d'entendre ce qu'il comprend. Et lorsque l'homme ne sera plus capable d'entendre ce qu'il comprend, c'est que la vibration dans son cerveau, son mental, sera tellement disconnecté de sa mémoire qu'il n'aura plus besoin d'entendre ce que nous disons, il aura simplement à écouter ce que nous parlons. Et lorsque l'homme pourra écouter ce que nous parlons sans essayer de comprendre ce que nous disons, il n'aura plus à entendre ce que nous disons parce que ce que nous disons à l'homme n'est pas important. Nous donnons à l'homme l'impression que ce que nous lui disons c'est important parce que l'homme est encore attaché à la forme des mots. Nous donnons à l'homme de l'information et automatiquement l'homme s'attache à l'information parce que l'homme veut connaître et comprendre l'information. C'est une illusion astrale de l'homme. Nous n'avons pas Nous n'avons pas d'intérêt pour l'homme tel qu'il est aujourd'hui, parce que l'homme tel qu'il est aujourd'hui n'est pas une constitution. Et l'homme doit devenir une constitution. Ceci veut dire que l'homme doit devenir un être intégré par nous et non organisé par l'astral. L'homme doit être constitué. Et l'homme aujourd'hui n'est pas constitué. Et l'homme sera constitué lorsque nous aurons accès suffisamment à sa conscience atomique pour complètement changer l'homme. L'homme devrait être capable de se matérialiser et de se projeter à distance sous n'importe quelle forme. Un vieillard devrait être capable de se projeter comme un jeune enfant. Un jeune enfant devrait être capable de se projeter comme un vieillard. Ça fait partie des lois d'impression du cosmos. L'homme doit être capable de manipuler l'énergie afin de créer toutes les impressions possibles dans le cosmos au fur et à mesure qu'il avance dans la compréhension des lois des systèmes. Et tant que l'homme n'aura pas la capacité de se projeter, de transmuter sa forme, de réorganiser atomiquement sa matière, il sera voué à l'échec de la personnalité. La personnalité, pour nous, n'a aucune fonction, n'a aucune puissance, puisqu'elle est fixe. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous le revoyez après 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous reconnaissez le même bonhomme. L'homme devrait être capable de se projeter dans le temps et de réapparaître dans une autre condition de vie, apparente à la forme qu'il veut bien se donner, pour traduire devant celui qu'il rencontre des conditions autres d'évolution. Sinon, La forme n'a jamais de pouvoir d'impression sur la forme, et la forme qui n'a pas de pouvoir d'impression sur la forme est une forme morte. Et le monde astral est un monde qui a créé des impressions sur l'esprit de l'homme, mais l'homme a été incapable de se soustraire des impressions créées par le monde astral sur son esprit, et de là, la nécessité chez vous, aujourd'hui, sur votre globe, de vivre incessamment de la mémoire. Mais un jour, l'homme devra cesser de vivre de sa mémoire. L'homme devra un jour être capable de traduire instantanément, à cause de sa conscience atomique créative, les formes dont il a de besoin pour manifester sur le globe la puissance de l'intelligence créative, c'est-à-dire pour différencier constamment ce qui est aujourd'hui indifférencié. C'est le but de l'évolution. L'énergie indifférenciée doit être différenciée, mais comment l'énergie indifférenciée peut-elle être indifférenciée si les hommes ne sont pas capables de se différencier eux-mêmes? Un homme qui demeure dans la même forme pendant 50 années, 60 années, 80 ans, est un homme qui n'a pas appartenu à la race de ceux qui dominent les lois de l'évolution. Et ceux qui dominent les lois, ceux qui appartiennent aux races qui dominent l'évolution, sont ce que vous appelez les êtres de lumière. Les êtres de lumière dominent les lois de l'évolution, bien qu'ils ne soient pas capables d'agir dans le cadre de l'évolution, jusqu'au jour où ils sont prêts à réorganiser la conscience atomique de l'homme. Et nous venons aujourd'hui sur la Terre. Et lorsque nous aurons établi sur la Terre notre conscience, c'est-à-dire notre intelligence, c'est-à-dire notre gouvernement, nous pourrons donner à l'homme le pouvoir de translucider sa conscience matérielle. Et lorsque l'homme pourra translucider sa conscience matérielle, il sera capable de mettre de la lumière dans son corps matériel et de le transposer dans une forme qui convient à son intelligence et à l'impression qu'il veut créer. C'est ignoble que l'homme ne soit pas capable de devenir un autre homme, une autre forme. C'est ignoble, parce que ça nous force, nous, sur les plans où nous sommes, de demeurer carrés dans des conditions de vibration qui empêchent que nous nous perfectionnions et que nous comprenions de plus en plus les lois de ce que vous appelez sur le plan matériel Dieu. Les lois de l'expression, les lois de l'intelligence, les lois de l'impression sont des lois cosmiques qui font partie du rayonnement vibratoire de l'intelligence. Et les hommes, un jour, devront être capables de se dématérialiser et de se transformer en d'autres hommes. Et tant que les hommes ne seront pas capables de se transformer en d'autres hommes, ils seront suffisamment près de la matière pour être assujettis à l'astral. La raison pour laquelle nous vous parlons ainsi, c'est pour vous préparer petit à petit à des changements d'esprit, c'est pour vous forcer petit à petit à vous désengager de ce que vous pensez que vous êtes. C'est pour vous préparer petit à petit à vous désengager émotivement de l'amour que vous avez pour vous-même, c'est-à-dire de l'amour que vous avez pour vos pensées, c'est-à-dire de l'amour que vous avez pour votre mémoire, c'est-à-dire de l'amour que vous avez pour votre ego, c'est-à-dire de l'amour que vous avez pour votre personnalité. C'est pour ça que nous sommes obligés de vous parler ainsi. Nous ne pouvons pas écrire ce que nous parlons parce qu'automatiquement le travail serait inverse, parce que vous créeriez des formes avec ce que nous vous disons. Mais nous assurons que ce que nous vous disions est suffisamment inintelligible pour que vous ne puissiez pas le répéter. Alors, si vous n'êtes pas capable de répéter ce que nous disons, parce que nous parlons d'une façon qui ne convient pas à vos intelligences de comprendre ce que nous sommes, automatiquement, vous êtes capable de répéter ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de comprendre l'astralité de votre intention et vous n'êtes pas capable de comprendre l'intelligence de votre astralité. Essayez de répéter ceci. Ça ne se répète pas parce que ça n'appartient pas à l'homme. Ça ne se répète pas parce que ça n'appartient pas à l'homme. Ça n'appartient pas à l'homme. Ça n'appartient pas à l'homme. Ça n'appartient pas à l'homme. Nous ne pouvons pas répéter ce que nous n'appartient pas à l'homme. Nous vous aimons beaucoup. Mais encore, vous êtes impressionné par l'impressionnation de l'impressionnable. Vous ne comprenez pas ce que les mots ne veulent dire. Les mots ne veulent rien dire. Et lorsque vous comprendrez que les mots ne veulent rien dire, vous comprendrez que les mots ne sont que des formes et que les formes ne contiennent que de l'énergie. Et l'énergie est la substance dont vous devez un jour vous servir pour transmuter votre conscience atomique et donner à vos corps physiques des formes autres qui conviennent à l'intelligence de l'évolution et à la manifestation sur le plan matériel de différentes impressions pour créer sur la Terre un gouvernement invisible et universel. Ne vous attachez jamais aux mots. Jamais. Si vous comprenez, et un jour vous comprendrez, certains parmi vous comprendront, si vous apprenez un jour à ne vous jamais attacher aux mots, vous serez attaché à nous, parce que nous sommes énergie. Si vous vous attachez aux mots, vous vous attacherez à vous-même, parce que les mots attachent l'homme à lui-même, parce que les mots font partie de l'homme, parce que les mots font partie de la mémoire de l'homme, parce que les mots font partie de l'intelligence de la mémoire de l'homme. Et dès que l'homme s'attache aux mots, il s'attache à l'intelligence de ceux qui sont en dehors de sa sphère matérielle, c'est-à-dire l'astral, c'est-à-dire ce que vous appelez les forces lucifériennes. Apprenez à ne pas vous attacher aux mots. Apprenez à ne pas vous attacher aux mots. Les mots ne servent qu'à enregistrer dans votre mémoire, dans votre cerveau, des impressions que aujourd'hui vous ne pouvez pas vous défaire parce que vous ne connaissez pas la science, la loi de la vibration des mots. Lorsque vous connaîtrez la science, la loi de la vibration des mots, vous serez très, très, très, très près de nous parce que nous sommes énergie. Et lorsque vous serez suffisamment près de nous, vous pourrez faire ce que vous voulez avec la matière. Vous pourrez faire ce que vous voulez sur la terre. Vous serez des êtres créateurs. Vous serez les fils de la lumière. Vous savez, ce cher bonhomme que vous appelez Bernard de Montréal est un homme extrêmement près de nous. Il est près de nous pour deux raisons. Il est près de nous parce qu'il n'est pas en lui-même, il est près de nous parce qu'il n'a pas de mémoire, il est près de nous parce qu'il n'a aucune intelligence. Et c'est parce qu'il n'a aucune intelligence qu'il est près de nous, et c'est justement parce qu'il n'a aucune intelligence qu'il est intelligent. Et si vous pouviez comprendre le niveau de son intelligence, vous seriez surpris parce que vous pourriez réaliser une fois pour toutes que l'homme a la capacité sur la terre de tout connaître, de tout savoir, de tout comprendre. Et l'homme pouvant tout connaître, tout savoir, tout comprendre est capable automatiquement de transmuter toute matière, et un jour, lorsque le temps sera venu, Bernard de Montréal se transmutera devant vous et disparaîtra et vous ne le verrez plus. Et lorsque vous ne le verrez plus, il sera Nous le faisons pleurer un peu parce que il faut que nous lui donnions, un peu de sentiment. Mais il n'a pas de sentiment. Mais il est très près de nous, c'est pourquoi il pleure. Et chaque fois que Bernard de Montréal pleure en public, il pleure parce que nous sommes près de lui. Et comme nous sommes près de lui, nous sommes près de vous. Nous avons commencé à nous interposer entre lui et nous, de sorte que nous pouvons maintenant suffisamment facilement vous parler directement, et probablement dans l'avenir, nous vous parlerons directement. Et en vous parlant directement, il nous sera plus facile de vous dire ce que nous avons à vous dire, parce que nous n'avons pas commencé encore à parler. Alors, l'homme doit être constitué par nous. Ceci veut dire que l'homme, un jour, doit être capable de ne plus avoir besoin de vivre sur le plan matériel. Et lorsqu'il ne sera plus capable de sentir ce sentiment d'avoir besoin de vivre sur le plan matériel, il lui sera très facile de vivre dans ce que vous appelez l'éthérique pour le moment. Mais encore, l'éthérique, c'est un autre mot qui a été donné à l'homme par les occultistes pour faciliter la compréhension de l'invisible. Mais un jour, vous comprendrez que l'éthérique, ce n'est pas l'éthérique que vous pensez que c'est. Nous sommes obligés de détruire tout ce que vous avez entendu de la bouche des hommes. Nous sommes obligés de détruire tout ce que vous avez lu dans les livres, parce que nous sommes obligés de rendre l'homme égal à nous. Et pour que nous puissions rendre l'homme égal à nous, nous devons détruire en lui ce qui est différent de nous. Et ce qui est différent de nous dans l'homme, c'est tout ce qu'il est aujourd'hui. Et un jour sur la terre, commençant dans un avenir suffisamment rapproché que nous ne pouvons pas vous dire, il y aura des êtres de lumière, il y aura des êtres qui auront le pouvoir sur la nature, il y aura des êtres qui vivront à l'intérieur d'une fraternité de conscience tellement élevée que les hommes de la terre ne pourront pas comprendre que déjà la conscience astrale n'a plus de pouvoir sur les hommes, que les hommes seront dirigés dans leur évolution par ces êtres de lumière qui feront partie de ce que vous pouvez appeler aujourd'hui le gouvernement invisible. Et c'est la première fois sur la Terre que les hommes seront dirigés dans l'invisible par les hommes. C'est la première fois sur la Terre que les morts n'auront plus de pouvoir sur l'homme, que ceux qui auront atteint le stade de la maturation de l'intelligence seront ceux qui détermineront l'évolution et qui communiqueront par télépathie avec les hommes. De sorte que les hommes ne seront plus mentis, Il ne sera plus possible que les hommes sur la Terre soient mentis, parce que ceux qui auront le pouvoir de communiquer par télépathie avec les hommes seront déjà des hommes qui auront la capacité, le pouvoir de se matérialiser et de se dématérialiser, plutôt que les hommes reçoivent des communications à partir de sphères que vous appelez aujourd'hui la sphère des désincarnés. Les morts n'auront plus le pouvoir sur la Terre, et petit à petit, les morts cesseront de perpétrer contre l'homme le mensonge cosmique. Alors, le phénomène de la pauvreté, comme je l'expliquais, est un phénomène qui engendre dans la personne humaine suffisamment de limites, suffisamment d'émotivité pour retarder la descente de la conscience ou de l'énergie de la lumière sur ses corps, dans ses corps. Et la pauvreté est tellement mauvaise et elle se comprend tellement bien lorsque on devient plus conscient que éventuellement on en a horreur. Et lorsque les hommes auront compris ceci, que la pauvreté est un phénomène astral, c'est à partir de ce moment-là que les hommes commenceront à construire la société anonyme. C'est à partir de ce moment-là que les hommes mettront leur intelligence à l'œuvre, et qu'en mettant leur intelligence à l'œuvre, ils commenceront à s'organiser sur le plan matériel pour ne pas trop souffrir des cataclysmes, des conditions qui feront partie de la fin du cycle. Et c'est justement ceci qui protégera l'humanité, l'homme, contre les lois du retour, les lois karmiques de l'homme. Autrement dit, les hommes seront protégés par eux-mêmes à cause de leur intelligence et non pas parce que certains croient des extraterrestres. Les extraterrestres viendront à la fin. Les extraterrestres ou les races d'outre-espace viendront à la fin lorsque l'humanité aura subi le joug de sa mémoire. Alors, les hommes, de par leur volonté, de par leur intelligence, créeront les conditions idéales qui permettra que les corps matériaux résistent à l'abattement des forces astrales sur le globe terrestre. Alors, n'attendez-vous pas à des miracles. Vous ne pouvez vous attendre qu'à devenir de plus en plus réel dans votre intelligence. Et ce sera le point de départ, ce sera le tremplin pour le développement éventuel de la relation entre votre corps matériel et le corps éthérique. Je tenais à parler . Soyez patient. Parce que vous ne comprendrez jamais rien par l'intelligence. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Moi aussi, je suis tanné et fatigué de parler de patience. J'en ai plein le cul. Mais rien n'empêche que elle est fondamentale. Fatigué à parler. Vous pensez que c'est le fun? C'est très fatigué à parler. C'est fatigant de parler parce que quand on parle, il y a toujours du temps après la parole. Alors, c'est fatigant de parler. Y a-t-il des questions dans ça? Je veux changer un peu. Je suis tanné. Alors, je continue à parler. La conscientisation de l'homme. La réalisation que la pauvreté est un amoindrissement de son intelligence créera deux choses chez l'homme. Elle créera d'abord le besoin chez l'homme de ne plus être pauvre, et elle créera aussi chez l'homme le besoin de se lier à d'autres hommes intelligents qui peuvent créer des conditions où la pauvreté est amoindrie. Il y a des gens parmi vous qui ont des industries, qui ont des commerces, qui ont besoin d'employés. Il y a des gens parmi vous qui peuvent travailler dans vos industries et dans vos commerces. Et si jamais vous faites l'expérience de travailler avec une personne qui se conscientise, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à travailler. Parce qu'il y a beaucoup moins d'exigences psychologiques. L'intelligence créative, c'est tellement parfait qu'un homme qui fonctionne, qui vit en fonction de l'intelligence créative, ne peut jamais subir un échec. Alors, un homme qui a un commerce, qui fonctionne dans l'intelligence créative, ne peut jamais subir d'échec. Et comme un commerce nécessite des employés qui font partie de l'échec de l'humanité, c'est à l'avantage de ceux qui se conscientisent et qui ont des commerces, d'engager des gens qui amèneront dans le commerce une énergie vibrante, une énergie de plus haute vibration, pour que le commerce se porte mieux. C'est difficile pour moi aujourd'hui de vous faire comprendre ce que je veux dire par une société anonyme, parce que je ne peux pas expliquer la mécanique de la société anonyme par ce que les hommes pensent. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui ont conscience de cette société anonyme, qui comprennent un peu l'aspect vibratoire de cette construction. Et je vous assure qu'une construction telle possède en elle-même sa propre puissance, et peut en elle-même générer sa propre énergie. L'intérêt que vous avez pour vos affaires, c'est un intérêt que vous devez maintenir, mais c'est un intérêt que vous pouvez constamment raffiner et raffiner et raffiner selon votre capacité de travailler d'une façon créative et intelligente au lieu de travailler selon un moyen purement mécanique. Moi, je connais un individu parmi vous qui a un commerce qui fonctionne très bien, trop bien. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider, mais il ne peut pas prendre n'importe qui. Il doit attendre que quelqu'un vienne vers lui qui a la vibration pour travailler avec lui, pour donner à son commerce une force. Mais trop d'hommes ont des commerces à l'intérieur desquels ils ont des personnes, des personnages qui vident le commerce d'énergie au lieu de le remplir, ce commerce d'énergie. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous avez des faillites et des banqueroutes. C'est normal. Nous revenons. Remarquez que nous sommes très sensibles à la condition humaine. Nous sommes sensibles à la condition de l'homme d'aujourd'hui sur votre globe, mais nous n'avons aucune sympathie pour l'homme tel qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi nous devrons, avec les années, changer complètement sa conscience. Parce que l'homme tel qu'il est aujourd'hui n'est pas ce que l'homme devrait être. Et au cours des années, nous altérerons la conscience de l'homme d'une façon radicale, d'une façon totale, et l'homme, tel que vous êtes, ne pourra pas facilement vivre cette expérience. Nous vous avisons de ne jamais prendre pour acquis ce que vous êtes, puisque vous ne savez pas ce que demain vous serez. Nous avons un pouvoir total sur le globe matériel. Nous avons un pouvoir total sur le globe matériel. Nous devons préparer les corps de l'homme pour que la manifestation du pouvoir coïncide avec son évolution. Mais nous avons un pouvoir total sur la matière. Ce sont les hommes qui retardent notre descente dans la matière. Mais il y a parmi vous des hommes qui déjà ont contractué pour la fusion. Et ceux qui ont contractué pour la fusion devront la vivre, cette fusion, parce que vous ne pouvez pas contractuer avec nous lorsque vous êtes dans l'invisible et ne pas vivre lorsque vous êtes dans la matière, les éléments essentiels de ce contrat. Et ceux qui sont contractués pour la fusion doivent mandater leur vie, c'est-à-dire qu'ils doivent un jour mettre leur vie à la disposition de la lumière. Il y a autour de votre planète approximativement 23 civilisations qui sont en attente. Il y a autour de votre planète 23 différents niveaux d'intelligence qui cherchent à prendre le contrôle de votre globe. Et les seules forces qui empêchent que ces civilisations prennent contrôle de votre globe sont les forces qui font partie de notre intelligence. Et la raison pour laquelle nous vous disons ceci, c'est pour vous faire réaliser la différence qu'il existe, la différence fondamentale entre le réel et l'irréel, entre le possible et l'impossible. Ce n'est pas le possible et l'irréel qui dirige et qui règle les affaires de votre monde. Mais vous n'êtes pas conscient de l'impossible et du réel. Vous n'êtes conscient que de l'irréel et de l'impossible, et vous vivez ces conditions psychologiques à l'intérieur d'une fermeture éclair qui a été imposée sur votre vision des choses par des forces qui sont dans l'astral et qui trafiquent avec ces intelligences. Si nous n'étions pas sur le globe aujourd'hui pour présenter à l'homme un plan de vie futur, déjà votre globe aurait été envahi par des civilisations extérieures depuis des siècles. Et plusieurs démarches, plusieurs mouvements ont été faits dans cette direction. C'est pourquoi, depuis quelques années, vous avez été témoin dans différentes parties de vos nations de présences venues d'ailleurs de la galaxie. Mais ces présences ne sont pas pour vous. Nous vous expliquerons un jour pourquoi ces présences sont là et comment elles s'habillent d'une énergie qui ne convient pas à l'énergie de l'homme. C'est pourquoi certains paysans dans certains pays ont été brûlés par la proximité de ces engins à leur corps matériel. La raison pour laquelle nous vous disons ceci, c'est pour vous faire comprendre, puisque maintenant nous nous servons de Bernard de Montréal comme canal pour ouvrir sur une dimension du réel qui ne convient pas aux mots psychologiquement interprétés, de vous faire réaliser que la nature du réel est très près de l'homme et que la seule condition qui nous permet de descendre sur la terre, de nous manifester sur la terre, est l'homme. Nous ne pouvons pas descendre chez l'homme, dans l'homme, avant que l'homme soit prêt et préparé. Et la préparation de l'homme ne peut pas être rapide, à moins qu'il y ait fusion. Alors la préparation de l'homme, elle est graduelle et elle se fait, mais elle est soutenue, et vous serez constamment soutenu dans votre évolution. Nous vous supporterons et nous vous soutiendrons constamment dans votre évolution parce que nous continuerons pendant des années et des années à vous faire savoir ce que nous voulons que vous sachiez. Libre à vous d'entendre ou de vouloir entendre. Mais nous faisons le mouvement vers le bas et automatiquement vous vivrez le mouvement vers le haut. Et à un certain point dans le temps, il y aura rencontre entre les forces de l'intelligence et les hommes de la nouvelle race. ne vous assujettissez pas à la pauvreté. La pauvreté, telle qu'explique Bernard de Montréal, est un monstre, est un fléau sur le globe. Et pour vaincre la pauvreté, vous devez vous dissocier de l'illusion que vous avez, de l'incapacité que vous avez de traduire vos vies matérielles en vies matérielles plus équilibrées avec les lois de la nature et les lois de votre esprit et de votre intelligence. Et s'il y en a parmi vous qui ne travaillent pas, et il y en a, vous devriez chercher à travailler. Déjà, vous diminuerez dans votre vie la pauvreté jusqu'au jour où il y aura une plus grande abondance. Mais l'abondance que nous vous donnerons ne sera pas l'abondance que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, et elle ne viendra pas à vous par les moyens dont vous préconisez sur le plan psychologique. L'abondance qui viendra à vous sera une abondance qui sera en fonction de vos déplacements dans le monde et de la réorganisation chez l'homme de son pouvoir de penser et de son pouvoir de vivre. L'abondance que nous donnerons à l'homme fait déjà partie de la liberté de l'homme sur le globe matériel. Et cette abondance n'a pas de limite parce que nous sommes sans limite puisque nous sommes l'infinité. Pour répondre à la dame tout à l'heure concernant la patience, la patience, c'est quelque chose qui nous est imposé. Et avec le temps, la patience, ça devient fatigant. Quand ça devient fatigant, la patience, il y a comme une révolte chez soi. Et lorsqu'il y a une révolte chez soi, il y a un changement d'attitude chez soi, vis-à-vis soi-même. Et à ce moment-là, on commence à déclencher en nous des forces qui changent notre vie et qui éliminent la nécessité d'être patient à un certain niveau. Mais même s'il y a un ajustement au niveau de la patience, à un certain niveau, vous verrez que dans quelques temps après, il y aura une autre étape de patience, à un autre niveau. Et lorsque cette étape de patience sera remplie, il y aura une autre étape de patience à un autre niveau. Et l'homme qui passera de la conscience matérielle à la conscience éthérique vivra constamment des étapes de patience, mais viendra le moment dans sa vie où il ne souffrira plus de la patience, il n'aura simplement qu'à vivre dans le présent de sa condition, mais il sera soulagé d'intervenir psychologiquement en fonction de son avenir. Alors, son avenir, il n'y pensera plus, il fonctionnera dans son présent, et la patience ne sera plus pour lui une corvée. Mais patience, vous devrez vivre pendant des étapes, et des étapes, et des étapes. Même moi, quand je vous parle, je dois vivre une sorte de patience, parce que je dois vous dire des choses que je sais ne seront comprises que dans un certain temps. Alors, tous les êtres, tant qu'ils sont dans la matière, sont assujettis à la patience, parce que la patience, c'est le pouvoir des lois de l'événement, c'est le pouvoir des lois événementielles, et c'est le pouvoir de l'intelligence sur les conditions psychologiques astrales de l'homme. La patience, c'est la seule force qui permet aux lois de l'intelligence de transmuter l'être humain. Il n'y en a aucune autre. Il n'y a aucune autre force qui permet aux êtres d'intelligence, de lumière, de transmuter l'être humain. Aucune autre. La patience est leur outil, et cet outil leur servira jusqu'à temps que vous soyez totalement transmutés. Leur intelligence est tellement grande que seulement par la patience et la manipulation des événements dans votre vie, ils peuvent correspondre avec votre conscience atomique. Pour eux, la patience est une arme contre l'astral. Les êtres de lumière ne fonctionnent pas en relation avec la forme. Ils fonctionnent en relation avec l'énergie de la forme. Et c'est par l'énergie dans la forme qu'ils feront la transmutation. C'est pourquoi la patience, vous devez la voir d'un œil qui convient à une intelligence de plus en plus mûre, de plus en plus réelle. Et là où vous ne pourrez plus vivre de patience, et là où vous ne pourrez plus subir cette patience, cette maudite patience, il y aura en vous un éclatement et l'éclatement rebalancera vos énergies et vous entrerez dans une autre phase de patience moins difficile. C'est comme ça que vous serez transmuté au cours des années. Ils disent que la patience, c'est l'épée qui transperce l'astral. Et tous ceux qui iront vers l'éther souffriront de cette épée. Alors, ça répond à votre question. Vous ne pouvez pas faire éclater un petit bouton sur votre peau avant qu'il soit mûr. Mais lorsqu'il est mûr, vous le faites éclater. Et ensuite, il en pousse un autre. C'est extraordinaire la patience. C'est extraordinaire la patience. Ce qu'il vous dit de la patience ne peut pas être expliqué à l'intelligence de l'âme. Ce qu'il vous dit de la patience ne peut être vécu que vibratoirement. La patience, c'est le résultat de la pénétration de notre énergie dans la conscience atomique de l'homme. C'est la patience qui crée notre capacité de pénétrer dans la conscience atomique de l'homme. C'est le seul moyen dont nous disposons autre que la fusion. C'est le seul moyen dont nous avons besoin parce qu'il est parfait. C'est le seul moyen dont nous utiliserons parce que vous n'avez pas besoin d'autres preuves. C'est la seule preuve qui vous sera donnée dans la vie jusqu'au jour où vous verrez dans l'invisible. Et vous ne vous sera jamais donné d'autres preuves que la patience. Ceux qui iront vers nous, ceux qui vivront de notre énergie, sauront que la patience est une réalité. Ils la comprendront, la patience, non pas psychologiquement, mais vibratoirement. Et lorsque vos esprits seront suffisamment raffinés, lorsque vous serez suffisamment dans la conscience vibratoire de notre énergie, la patience deviendra pour vous un pouvoir sur les hommes. La patience deviendra pour vous un pouvoir sur les hommes. C'est-à-dire que c'est par la patience que vous pourrez manipuler l'énergie de votre intelligence pour le bénéfice de l'évolution. Sans patience, l'homme ne peut pas rien faire, ne peut rien faire pour l'homme. Sans patience, l'homme ne peut rien faire pour l'homme et automatiquement ne peut rien faire pour lui-même. Il y a deux aspects à la patience. L'aspect psychologique, la réaction normale de vos humeurs contre l'énergie. Et il y a l'aspect vibratoire que vous ne pouvez pas neutraliser. Parce que vous ne pouvez pas neutraliser notre énergie lorsqu'il se fait sentir, lorsque vos corps en sont vibrants. C'est merveilleux la patience. Non pas la patience que vous connaissez, non pas la patience dont vous souffrez, mais la patience que vous pourrez demain utiliser, comme le fait Bernard de Montréal. C'est cette patience qui nous permet de parler à travers lui comme s'il était un haut-parleur. La patience ne vient pas de l'homme, elle est imposée à l'homme. L'impatience vient de l'homme. La patience ne vient pas de l'homme. Aucun homme n'a de patience. La patience est un pouvoir. Ce que vous appelez patience est simplement une forme d'inertie. My mind. Il ne faut pas mélanger l'inertie avec la patience. Alors, ceux qui ont l'impression d'être obligés de rester sur leurs fesses avant de se trouver un travail ou de faire quelque chose dans la vie, sont dans une illusion terrible. La patience ne vient pas de l'homme. Elle vous sera imposée par vibration et vous ne pourrez rien faire, même si vous avez énormément de capacité d'action. Ils auront la capacité de bloquer tous vos mouvements pour transmuter les corps subtils. Alors, la patience ne vient pas de l'homme. Alors, si vous pensez que vous êtes patient, vous êtes mieux de faire attention parce qu'un jour, vous saurez qu'est-ce que c'est la patience. Un homme qui est patient, dans le sens vibratoire du terme, est capable de supporter la souffrance et ne pas l'appeler souffrance. Alors, quand vous serez capable de souffrir la vibration ou les conditions de la vie et ne pas appeler cette souffrance souffrance, mais la considérer essentielle, nécessaire, vous aurez commencé à être patient. C'est la patience qui permettra à l'homme de rentrer dans l'éther. C'est extraordinaire, la patience.